plus. Des idées préconçues, un mauvais aperçu. Tu négligeais l'attaque sans su. Trop d'expérience qui me laisse déçu. Mon rap's comme Jésus, c'est ma seule issue. Fait que j'compte dessus, j'compte dessus. Veux-tu me dire c'est quoi tu veux? Pourquoi tu me regardes de mal? Dans ma vie, moi je fais de mon mieux. Et ça, c'est pas de tes problèmes. Trop de toi qui prennent trop sérieux. Qui sait quand ils sont sa scène? Malheureusement, dans notre milieu, y'a trop de différents mâles. Ça, c'est qui est le boss? Qui est fatalos? So don't fuck with us. Quand on rentre au poste, on se fait tout. On fait too much, you can touch. Pas encore assez whack pour smoke no potch. MC sur la touch, on déclutch puis on fonce rush. Pour que tu bikes de dos, t'es que ta tue quand j'bosse. J'vois plus vite, j'te losse, le reste du chemin tout gosse. Faut être super m'trosse, mon rap c'est pas de la crosse. Faut que j'ose, kick mes pros. Toutes les têtes explosent, les hats s'imposent. Ouvrez les portes qui sont closes. Big up qu'on compose, pour que les restes décomposent. Qu'on voit la vie en rose en évitant l'overdose. Turn around, turn around. Tellement étourdi que tu touch the ground. Sur papier, pour être papy, mais sur pied, pas être surpris par le temps gaspillé à gâcher ta vie. Attends-moi pas pourquoi j'suis ici, j'ai pas prévu ça dans ma vie. J'ai envie de reculer dans le temps pour reprendre tout ce que j'ai envie. Je reprends vie, je me dégourdis un peu avant de commencer. Puis mec, l'événement commence, je me sentirai concerné. Je te parle de la motivation, puis elle a pas d'imitation. Pour moi, la vue, c'est une prison parce qu'elle transforme ta vision. C'est pas un film ou une émission, mais une mission psion. Choke gros, on obtient le fonctionnement d'un pion. Je te promets qu'on va se battre pour pas finir entre quatre planches. Que je rembourserai mes dettes pour pas qu'on me jette dans les vidanges. Les promesses que j'ai faites pour les tenir, il faut que je change. Je me redresse, y'a plus de problème, mais quand j'ouvre mes yeux, y'a plus d'ange. Une chance que du monde autour de moi me soutenir. C'est le monde qui est autour de moi qui font mes meilleurs souvenirs. Je veux pas les voir partir, c'est ce qui fait arrêter. Si c'est tiré loin, j'ai aucune raison de pas finir. Veux-tu me dire c'est quoi tu veux? Pourquoi tu me regardes de mal? Dans ma vie, moi je fais de mon mieux. Et ça, c'est pas de tes problèmes. Trop de toi qui prennent trop sérieux. Qui sait quand ils sont sa scène? Malheureusement, dans notre milieu, y'a trop de différents mâles. Activé, pas activé, j'ai besoin de changer d'activité. De faire acteur, pas spectateur, j'suis allé mon siège est souillé. Si mes souliers marchaient tout seul, crois-moi, changerais de gueule. Avec des spots, des grands pas, les miens sont petits, t'es vois pas. J'ai mes coussins pis même si on est poigné dans une tuerie, on se rejoint en enfer au paradis. Faut qu'on fonce, pas qu'on se défonce, devenir loin de la matière bronze. Mets les pieds dedans pis tu t'enfonces, faut que t'ailles voler un once. On n'est pas toutes des tronches, on use nos bronches mais j'y songe. À force elle penche sur tout ce que j'ai fait, qui fait que je me ronge les ongles. Quand tu me regardes, j'ai un sourcil, si tu ricanes, j'irai aussi. C'est sûr que si tu veux le raser, hey, hey, me prends un sourcil. Je porte des pantalons très gras avec une ceinture trop baissée. J'ai des yeux tout autour de la tête, question de ne pas me faire baiser.